Donc, je vais vous inviter à vous installer confortablement. Et puis à fermer les yeux. Et vous allez prendre tout d'abord trois grandes respirations en gonflant votre ventre. Et en soufflant doucement à l'expiration, en relâchant votre ventre. On inspire, je gonfle le ventre et je souffle doucement à l'expiration. Voilà, et vous allez respirer plusieurs fois ainsi. Vous respirez tranquillement, vous respirez calmement. Voilà, je vous invite maintenant à visualiser un chemin dans la nature. Donc, ça peut être un chemin près de la mer, de la montagne, la campagne, ce qui vous plaît le plus. Et vous marchez en prenant votre temps. Prenez tout votre temps. Et un peu plus loin, au bout du chemin, vous voyez un magnifique soleil. Le soleil représente votre intérieur et votre lumière. Et je vous invite à vous concentrer sur le soleil. Suivez-le, car l'énergie qu'il émet est la vôtre, c'est votre énergie. Vous rayonnez à travers lui. Ce soleil est là pour vous, pour vous faire voir que vous existez par vous-même et non pas à travers le regard des autres. Une partie de ce soleil va se détacher et venir en vous, au niveau de votre plexus. Vous allez faire corps avec lui. Aucune crainte, le soleil ne brûle pas. Il émet simplement une douce chaleur bienveillante. Sa chaleur rayonne de part en part dans votre corps. Et vous pouvez voir les rayons se diffuser jusqu'au bout de vos mains. La chaleur remonte sur vos épaules. La chaleur remonte également sur votre cou. Sur l'arrière de votre tête. Sur votre visage. Il l'illumine, puis descend dans votre gorge. Puis sur votre poitrine et dans le dos. Descend dans votre ventre et irradie l'ensemble de vos organes. Cette douce chaleur continue son chemin vers votre bassin, passe dans vos jambes et jusqu'à vos pieds. Cette chaleur vient nourrir vos racines. Celles qui vous permettent de prendre l'énergie de la terre. Pour vous permettre d'être solide et stable dans votre vie. Visualisez l'ensemble de votre corps avec le soleil au niveau de votre plexus. Regardez-le et regardez-vous. Vous rayonnez. Vous êtes centré dans votre espace vital qui est votre corps. Puis prenez trois grandes et profondes respirations pour vous permettre de visualiser cette image de vous centré sur votre corps. Vous inspirez, vous soufflez. Quand vous le pouvez, vous pourrez ensuite, à votre rythme, réouvrir les yeux.